En Russie, le comité pour chérir la mémoire du camarade Kim Il-sung vient d'être constitué au cercle d'études des Instituts de Moscou. Le comité a décidé d'organiser des cérémonies à l'éloge des exploits immortels du président Kim Il-sung comme symposium sur ses œuvres classiques à l'occasion du 8 juillet. Par ailleurs, le comité suédois pour le souvenir du président Kim Il-sung est constitué à Stockholm.